Vous êtes à l'écoute d'un guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur vos entrevues préférées de 2010. À venir après la pause, Antoine Corriveau et Losc. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. De retour à ce guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur nos entrevues préférées de 2010. Plus tard, le Husky, mais pour l'instant, voici Antoine Corriveau. Diffusion originale, 1er avril. On a Antoine Corriveau qui est au téléphone avec nous présentement pour nous parler, entre autres, du spectacle qui va donner samedi le 3 avril ici au Café Bar Le Zénob à Trois-Rivières. Salut Antoine. Salut. Ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va très bien. Antoine, toi, tu viens de Trois-Rivières. Maintenant, tu habites à Montréal et tu fais tes trucs là-bas. Ça fait un petit bout de temps, je pense, que tu n'es pas venu jouer ici à Trois-Rivières. Hein? Oui, ça fait depuis l'été passé, je pense. OK. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé de bon depuis ce temps-là? Des choses, pas grand-chose en même temps. On a sorti... à ce moment-là, en fait, quand je suis venu l'été passé, c'était en juin, je pense, puis on venait de rentrer en studio avec mon groupe pour... enregistrer, juste 3-4 tunes, plus pour avoir une version là, de comment ça sonne maintenant. Puis finalement, c'est ça, on a mis ça, c'était juste pour mettre ça sur Internet après, puis un peu mettre du nouveau stock. Puis en fait, on a pas mal de nouveaux matériels, fait qu'on s'est mis à travailler dans l'optique de faire un premier disque complet, là. OK, ça fait justement à peu près un an et demi que tu travailles avec ce groupe-là. Est-ce que ça a changé un peu le son du produit final, le fait de travailler avec un groupe? Je pense que oui. Avant, étant donné que je faisais beaucoup tout moi-même, c'était peut-être un peu limité à certains niveaux, mais tout le monde apporte, tout le monde contribue un peu plus à la musique. J'arrive avec des squelettes de tunes, mais on travaille la musique vraiment en gang, fait que je pense que ça permet un petit peu plus de richesse musicale, là. OK. Puis là, vous avez, comme tu disais tantôt, vous avez déjà enregistré 3 ou 4 pièces qui vont se retrouver sur un prochain album. Est-ce que l'album est complété ou il est avancé? Il est en cours, là. Il est pas complété, puis il est pas si avancé que ça, mais en fait, on retourne en studio là, dans à peu près un mois, puis probablement pour y passer une partie de l'été, puis après ça, à temps perdu un peu dans l'été, puis l'automne. Il n'y a rien de fixé pour l'instant, mais si tout va bien, on s'enlignerait pour sortir quelque chose peut-être à l'automne. Hein. Il va s'appeler comment, l'album? Aucune idée. C'est non, pas encore. Ah! Zut! Monsieur Sam. Non, en fait, je dirais que la sélection des chansons est quasiment arrêtée, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont le temps de bouger encore, puis ça va vraiment être le genre de décision qui va se prendre un petit peu plus tard dans le processus, je pense. OK, c'est bon. Mais j'imagine qu'en attendant, ceux qui vont voir les spectacles que vous faites d'ici là, on peut entendre du nouveau matériel qui va se retrouver là-dessus. Ouais, tout à fait. Puis en fait, c'est ça le show qu'on fait à Trois-Rivières samedi. C'est un peu spécial dans le sens que c'est on va faire quelques vieilles chansons, mais c'est majoritairement juste du nouveau stock. Puis c'est un peu, il y en a qu'on fait depuis un bout de temps, mais il y a pas mal de tunes là, depuis l'été passé en fait, donc qu'on n'est pas venu à Trois-Rivières là, qu'on n'a jamais fait en sol tripluvier. Ah, ça va être en formule Ben. Vous allez tout être là. Oui, encore oui. Pas personne? Non. Et on va tout être là. OK, parfait. Je voudrais que tu me parles un peu du concept qui s'appelle Kilomètre. Si les gens vont sur ton site internet, le antoinecorriveau.com, qui est en passant un très beau site, il y a un onglet qui s'appelle Kilomètre et qui est un peu un genre de carnet de route. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est quelque chose que j'ai parti là, peut-être... peut-être un an, dans le fond, je pense. Ou peut-être un peu moins, je sais plus. C'est juste en fait une énième façon de faire de la pub quand on fait un show, mais en la rendant un peu plus personnelle que juste un événement Facebook ou une affiche de show, quoi que ce soit. C'était un peu quelques jours avant le show, je mets ça en ligne, j'écris un petit texte sur un peu à quoi peuvent s'attendre les gens au spectacle, puis mes souvenirs quand à la dernière fois où je suis allé jouer là, ou quoi de genre. Puis généralement, je mets un extrait audio, tu sais, inédit, genre des versions live ou des versions démo, des trucs de même, juste en écoute avec. Donc, c'est pas mal ça, là. Ouais, ce qui est intéressant du site d'Antoine Corriveau, c'est qu'il y a beaucoup de matériel audio inédit. C'est très généreux comme site Internet, je dirais. Je sais pas, j'aime ça. Tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un qui enregistre beaucoup, même si on passe pas toute notre vie en studio chez nous, j'enregistre un peu, puis des fois, tu sais, j'ai des nouvelles tunes, puis je sais pas vraiment si c'est bon, fait que je me dis, je vais m'en taper une version pour pouvoir l'écouter, pour juger si ça a de l'allure, fait que tu sais, je suis quelqu'un qui enregistre beaucoup, puis des fois, ben, il y a des trucs, tu sais, ils verront jamais le jour autrement que comme ça, mais qui ont quand même de quoi de sympathique, fait que c'est le fun de les sortir juste comme ça sur le net. Là. Et je sais que tu es aussi un artiste de bande dessinée. Je voulais savoir si tu étais encore actif dans la BD et qu'est-ce qui se passait de bon de ce côté-là? Ben, je suis beaucoup moins qu'avant, mais okay. Disons que je me suis remis un peu dans les derniers mois sur mon site web. Là, je publie en ligne chaque jour une page d'un projet qui date. Ben, en fait, que j'ai commencé en 2005 puis que j'ai terminé il y a quelques semaines. Qui est un espèce de carnet autobiographique de 130 pages en tout, puis là, il reste à peu près une dizaine de pages à mettre en ligne. Puis je retravaille ça à côté, puis après ça, pour essayer de le soumettre aux éditeurs. Mais, c'est ça, puis j'ai une couple d'autres projets pour après, mais disons que c'est sûr que le temps libre passe plus souvent sur la musique que sur la BD. OK. Donc, pour ceux qui veulent suivre tout ça, voir entendre les extraits, voir le matériel de BD, c'est sur le antoinecorriveau.com. Et pour ce qui est de la musique, ben ceux qui veulent entendre Antoine et son groupe, c'est ce samedi, le 3 avril, au Zénob, ici à Trois-Rivières. Donc, voilà. Merci beaucoup, Antoine, merci. D'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Ben, merci à vous deux. En tout cas, un bon spectacle samedi. Ben, merci. Et en terminant, on pourra aller écouter une pièce d'Antoine. Je te laisse choisir parmi les dernières pièces. Disons, Antoine, là, Distance Usuelle, Barcelone, Fusillez-moi, Outman. Laquelle tu voudrais entendre parmi celles-ci? Allons-y donc avec Outman. Outman. Donc, on écoute Outman ou Outman. Est-ce qu'on dit... Ah oui, on s'est même... On s'est assiné, Mathieu puis moi, lors de la semaine passée. Est-ce qu'on dit Outman ou Outman? Ben, je sais pas si les deux se disent, mais moi, je dis Outman. OK. Bon. En fait, c'est Émilie qui m'a proposé ce titre-là. C'est un processus d'endurcissement des plantes et ou des arbres quand ils préparent pour l'hiver. C'était un peu... on trouvait que ça cadrerait bien avec le texte de la toune. Fait que c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça puis qu'elle suscite bien du mystère. Ben, c'est parfait. On l'écoute tout de suite. Merci encore, Antoine. Merci à vous. Merci. Bye bye. Salut. 1-0 Kiwan. 1-0 Kiwan. Un jour, je l'aurai, lui. J'aurais sorti des couteaux, des sécateurs.

Écoute, on pourrait peut-être envisager de travailler avec sa blonde, là, mais lui, personnellement... Travailler avec sa blonde. Elle vient pas juste d'accoucher, hein? Ouais, c'est pas grave, on est vous très vous êtes ouvert à ça? Ah ouais. Non, c'est ça, donc... Mais c'est tout dans l'univers, ça, c'est juste qu'il faut les saisir, ces choses-là. Puis... Oui. Oui, exactement. Taire les mauvaises langues. C'est ça. Genre. Faut pas oublier qu'on a un petit côté absurde qu'on aime et qu'on... Ah ouais, qu'on... pour vrai? Ah, oui, oui, j'avais oui. Pas, j'avais pas remarqué. Ah ben, on va dire mais on pouvait pas passer sous le silence toutes ces questions là qu'on a par courriel, c'est d'un ridicule. Oh ouais. Écoutez notre musique puis c'est pas mal tout. Danser. Le son, tout est dans le son. C'est ça, le reste c'est pas important. Non. Tout est dans plus le son. Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins. C'est une autre affaire, je pense. Ouais. Et on va terminer l'émission là-dessus. On tu va veux aller... pas faire d'autres blagues sur le son et l'avoine et... Je sais pas, c'est pas moi l'expert le des blé. Blagues dans cette émission-là. Non. Moi non plus. Mais si... écoutez, on sait qu'ils sont pas bonnes. La prochaine personne qui appelle en onde, on va prendre le troisième appel, qui pourrait nous dire qui était finalement cette personne en 84, qui était un membre complémentaire dans Atomic Baobab. Pour la bonne réponse, écoute, reste dans ton salon puis on t'envoie un T-shirt. Es-tu prêt à attendre jusqu'à le mois prochain? Parce que le troisième appel va sûrement venir le mois prochain. Hey, non. Retire tes paroles tout de suite. Je m'excuse, là. Merci. Mais quand même. La ligne ne dérougit pas. Non, c'est ça. Elle arrête pas. Donne le numéro, Mathieu. On va voir si le monde va appeler. Les autres qui faisaient semblant d'avoir des téléphones alors qu'on avait même pas de numéro. Donne un T-shirt, là, toi, là, dans ton salon, là. Okay. Oui, ils sont beaux, les T-shirts. Oui, je sais. Il y avait plein de monde à la finale qui avait des T-shirts. J'étais hyper jalouse. Ouais. Si vous n'avez pas de T-shirt, vous n'êtes pas à la mode. Merci. Bonne fin de journée. C'était excellent. Et... Attaboy. Attaboy. Vous êtes à l'écoute d'un guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur vos entrevues préférées de 2010. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Sur les ondes de CIFU, vous écoutez un guide de l'utilisateur d'assemblage requis sur vos entrevues préférées de 2010. Avant de passer à We Are Wolves, voici l'entrevue de Stéphanie avec Random Recipe, diffusion originale 24 juin. Présentement, on a Franny de Random Recipe au téléphone. Allô? Salut! Hey, c'est pas super, on entend bien, c'est rare. Ben oui, ah bon, ben, yeah. C'est le même téléphone que Carrie dans Sex and the City, le vieux dans les années 90. Hey, wow! Référence télé. Alors, pour ceux qui connaissent pas Random Recipe, ça vient de où le nom de votre groupe? Mais en fait, attends, ben c'est un mélange de plein d'affaires, en fait. C'est que quand Fab et moi, on s'est dit, on donnait au téléphone, hey, on devrait avoir un band un jour. Ben cette semaine-là, il nous arrivait plein d'affaires absolument random. C'est-à-dire que il y a une fois, j'étais assise dans le métro, puis quelqu'un s'est assis sur moi pendant trois stations, puis j'ai comme pas été capable de dire qu'est-ce que tu fais assis sur moi. Puis là, je parlais de ça, je suis comme, tu sais, elle aussi, il arrivait plein d'affaires totalement random. Puis là, on s'est dit, random, c'est un beau mot. Puis recipe, c'est un mélange de comme, c'est une recette aléatoire, ce qu'on fait, le mélange des styles, des genres musicaux, puis des influences, puis des langues, puis tout. Fait que, ben, ça marchait, Random Recipe. Ouais, c'est vrai, ça fait assez bien avec votre groupe. Et justement, où est-ce que vous avez pris votre inspiration au départ? On sait que vous avez commencé à jouer dans les rues à la sortie des bars, mais pour votre style musical, d'où est-ce que vous êtes inspiré? Parce qu'on voit pas ça souvent, un mélange de folk, de hip-hop, c'est assez original. En fait, je pense que c'était pas vraiment, on essayait pas de créer quelque chose, c'est vraiment c'est ça qui sortait. Moi, j'écoutais vraiment plus du folk puis du trip-hop dans le temps, puis elle écoutait vraiment du hip-hop. Puis elle faisait pas tellement de beatbox dans le temps, mais comme ça, tu peux pas vraiment te promener avec un drum dans la vie. Puis elle n'avait pas non plus, ses parents, ils voulaient pas y en acheter un, fait que c'est comme le drum des pauvres. Puis j'étais comme, ok, fais du beatbox là, pour m'accompagner avec ma petite guitare, fait que ça sortait beatbox puis rap parce que c'est ça qu'elle savait faire. Puis moi je chantais avec ma petite voix folk, fait que c'est juste, ça a commencé juste un peu par hasard là, encore randomly là. Et demain vous allez être de passage à Trois-Rivières, vous n'êtes pas encore arrivé à Trois-Rivières, non? Non, on n'est pas encore là, mais j'ai vraiment hâte, on est vraiment hâte de la Trois-Rivières parce qu'on a pas mal d'amis de là-bas aussi qui sont supposés être là. Puis ouais, fait que j'ai très hâte à ce festival là demain. Et vous avez jamais joué à Trois-Rivières non plus, ça va être votre baptême? Oui, c'est notre baptême. J'aimerais bien être baptisée. J'aimerais bien qu'on me baptise demain, mais non, mais c'est ça. En fait, on n'a pas vraiment joué souvent à l'extérieur de Montréal. Là, t'sais, ça se compte sur une main. Là. Fait qu'on est très excités là, d'aller jouer là demain. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial en banque pour votre prestation de demain? Nous, on fait toujours ça. C'est dans la vanne de tournée qu'on mijote ces coûts-là. Parce que si c'est trop d'avance, c'est mauvais. Fait que ça va être quelque chose de spontané, bien sûr, là. On n'aime pas ça rendre ça plate. Là, on va faire quelque chose d'inusité, mais on sait pas encore quoi. Alors, ça marche quand c'est le lendemain de veille. Là, le demain, ça va être le lendemain de la Saint-Jean. Fait que là, c'est là qu'on a les meilleures idées les plus folles. Puis, ça se concrétise sur scène le soir. Et parlant de la vanne, justement, votre vanne s'appelle Karine Vanos. Oui. Pour quelle raison? Ça vient de où, ça? Ben, en fait, parce que on venait d'acheter une vanne de tournée, qui d'ailleurs fonctionne tellement plus. Mais en tout cas, on venait d'acheter une vanne de tournée, puis j'ai dit, OK, mais il faut y trouver un nom. Fait qu'on va demander à nos fans Facebook de proposer des idées. On a reçu une centaine d'idées. Là, nous, on a délibéré les 5 meilleures, puis après ça, on a passé au vote public. C'était comme un Star Academy pour un nom de vanne. Et puis, le nom qui était vraiment le plus populaire, c'est Karine Vanos. Puis après ça, je l'ai croisé dans la rue, il y avait des gros malaises. Mais bref, est rendu fan de Random Recipe à cause de ça. Ouais, j'ai vu ça sur votre Facebook. Ouais. C'est assez comique. Ouais, c'est très random, tu vois, c'est ça. C'est ouais, ça fit vraiment avec votre nom. Ouais, ouais. Mais elle nous accompagne partout, là, quand Vanos, même quand elle marche plus, puis elle est en panne, puis faut la patcher, ben. Le camion, on parle du camion ici. Ouais. Ouais, ben c'est ça, ça porte à confusion, mais c'est un peu le fun, tu sais, ça, ouais. Et depuis 3 ans, vous faites pas mal le tour du Québec avec pas mal, sensiblement, le même matériel. Mais je vous ai vu au Cercle à l'automne dernier avec The Do, et vous étiez vraiment là, énergique et spontané. Comment vous faites pour être toujours comme ça, même en jouant toujours les mêmes pièces? Ben, je sais pas, je me blase pas de ces chansons-là. Il y a des chansons que tu tannes pas d'écouter, puis moi, il y en a que je me tanne pas de jouer non plus. Puis ben, c'est ce qu'on fait, puis c'est sûr qu'il y en a qu'on fait de moins en moins. On essaie de renouveler la façon qu'on joue, n'importe quoi. Mais je veux dire, quand tu joues devant une foule que tu connais pas, tu sais, t'as juste vraiment le goût de les séduire, puis en même temps, tu nourris énormément de l'énergie. Moi, j'adore être sur scène, puis les quatre, on adore faire la scène, puis je suis super énervée quand il y a un public qui est enthousiaste devant nous. Fait que c'est vraiment un échange avec le public, c'est ça qui rend ça intéressant. Puis même à Montréal, quand je joue devant des foules similaires, parce que c'est un peu le même monde qui revient nous voir, c'est, oui, c'est un monde différent, mais tu sais, je me tanne pas, il y a quelque chose de différent dans chaque show, puis je veux dire, je pense que pour n'importe quelle band, quand t'as dans la foule une foule qui réagit, puis la réponse du public, tu fais un bon show automatiquement. C'est comme ça, c'est un échange, c'était pas ton affaire, la même chose à chaque semaine, puis à chaque show, puis c'est pas comme ça. Moi, je comprends pas les gens qui font des shows statiques pareil à chaque, je comprends même pas comment ils font là. C'est plus, tu sais, je voudrais bien, mais je sais pas comment. Ben, pas tant mieux. Je pense que ça fait plaisir à tous les spectateurs qui sont à vos spectacles de vous voir aussi enthousiastes. Puis ça paraît que vous faites du fun quand vous êtes en spectacle comparé à d'autres bandes, là. Ben, on est chanceux parce que maintenant, c'est ça qu'il faut faire dans la vie en tant que musicien. Si tu veux faire un peu de tout, là, dans le sens où tu veux continuer à faire de la musique, il faut que tu fasses des shows. Fait que nous, c'est la formule qu'on préfère entre studio puis n'importe quoi. C'est vraiment le live qu'on s'est défini, on s'est articulé à travers le live, là, parce que pendant 3 ans, on n'avait pas de CD, puis on roulait, fait que c'est comme ça qu'on a développé notre identité de groupe, puis notre son, puis ouais, fait que c'est super important pour nous, le live. Ouais, vous êtes souvent, vous avez fait pas mal le tour des festivals qu'il y a au Québec, vous avez fait le Festival d'été de Québec que vous faites cet été, ouais. Il y a le Festival de musique émergente en Abitibi, le MEG, le Festivois demain, l'International de jazz, Antenna. Vous êtes aussi allé à la télé avec Belle et Bum, Christiane Charrette, Mange ta ville. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Mais semble que vous avez vraiment tout fait, c'est l'enfer. Au Québec, hein, je sais pas. Ben, Nuit d'Afrique, il faudrait qu'on s'écrive une petite chanson africaine là, pour rentrer dans ce festival-là. Non, mais puis on a fait les franco aussi, ce qui est drôle du fait qu'on chante pas en français. On a une chanson en français, mais on a fait quand même les franco dans 3 shows. Ouais. C'est drôle. Mais non, en fait, au Québec, on veut juste continuer à faire ces shows-là, mais avec peut-être des plus grosses scènes éventuellement, ou ben, un public qui... un plus gros public qui connaît encore plus ça, mais je pense que tu ne blasses pas de ces festivals-là, c'est les meilleures vibes, c'est le monde veut aller voir des shows, c'est l'été, c'est au Québec, c'est tellement le festival, puis ben, après ça, ce qui nous attend, ben, c'est des festivals ailleurs, en Europe, ou idéalement, là, parce que je pense que peut-être on n'est pas limité au Québec à cause du fait qu'on chante en plusieurs langues. Fait que, ben, on espère un jour pouvoir traverser l'Atlantique là, puis faire prendre nos expériences de show ici pour bien performer ailleurs puis représenter. Ça va aider une fois que l'album va être sorti pour aller à l'extérieur. Là. Ça sort en septembre, c'est ça? Fold It, Mold It? Oui, ça sort en septembre. On a très hâte. Là. Je veux dire, là, on est en train de faire le artwork, mais ça fait super longtemps que toute la partie, ben, la musique est terminée. On l'a enregistré ça en novembre, puis c'était vraiment on voulait vraiment créer de la musique qui ressemblait vraiment à notre esprit live, c'est quelque chose qui est super spontané, qui c'est pas quelque chose de parfait, quelque chose qui est représentatif de ce qu'on est. Il y a une fragilité dans ce qu'on fait, puis quelque chose qui se tient, mais qui est, je sais pas comment l'expliquer exactement, parce que c'est un son vraiment qui est venu de nous, là, le monde, qui les gens à qui je l'ai fait écouter, ils disent comme, c'est cool, vous avez votre son à vous, puis c'est super représentatif de votre show live, puis c'est notre objectif. Puis on a enregistré 17 tunes en 8 jours, il y en avait deux qui avaient la H1N1, et on continue à faire le party à chaque soir, puis être commandité par Tremblay, puis non, on se fait commandité par Tremblay, puis non, c'est ça, passer les 12 heures en studio à juste complètement délirer, fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte qu'ils sortent, là, puis... J'espère que les gens vont l'aimer autant que la réponse qu'on a en show live, là. On l'espère. Puis, dernière chose, j'ai déjà lu que vous vouliez travailler avec Emily Haynes de Metric. Oui, là, ça fait mauvais. Est-ce que ça va arriver un jour? Moi, j'ai confiance. Tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, on l'a fait. T'sais, si un jour je la rencontre, je vais la voir, je vais dire, est-ce qu'on peut faire une chanson ensemble? Puis, elle va être obligée de dire oui, parce que sinon, je vais l'harceler, tu sais. Comme, jusqu'à temps que j'ai un restraining order. Mais, tu sais, non, mais ça, c'est vraiment une des choses que je préfère de tout le genre de trip d'avoir été dans un band jusqu'à maintenant, en 2-3 ans. C'est les rencontres musicales qu'on a faites là, avec d'autres artistes. Là, genre, dernièrement, c'est Pierre Lapointe qui nous a un peu pris sous son aile. Puis c'est vraiment une personne extraordinaire. Puis la musique qui fait qu'il n'y a rien à voir avec la nôtre, mais il y a une ouverture musicale. Puis il veut nous intégrer dans ses choses. Puis on a fait des shows avec Léo Franco. Puis c'est des gens que moi, j'admire comme musicalement, puis leur talent. Puis que maintenant, c'est la même affaire avec Beast. Puis avec The Do, c'est, en tout cas, moi, je suis vraiment reconnaissante de ça. Puis si un jour, je peux rencontrer Emily Haynes, moi, ça, c'est ma liste. Emily Haynes, Beth Gibbons de Portishead, puis Gwen Stefani, là, oh mon Dieu, je suis contente, là. Ça serait vraiment, vraiment écœurant. Alors, ça, si... Snoop Dogg, elle avait rencontré Snoop Dogg. Ouais, ça pourrait être drôle comme mix. Alors, si les gens ne peuvent pas aller vous voir demain à l'Embuscade, ils peuvent aller vous voir au Festival international de jazz, ouais, au Festival d'été de Québec. Il y a aussi, vous allez être dans le coin de Chicoutimi, après ça, aux îles de la Madeleine. Oui, Gaspé, Bonaventure, Rimouski. Ouais, on se promène un peu cet été, il faut regarder le MySpace, mais je suis vraiment, vraiment contente parce que jusqu'à maintenant, tous les shows qu'on a fait, ben autant à Montréal, ben à Montréal, c'est différent parce que c'est la moitié de la salle, c'est nos amis, mais je veux dire, tous les shows qu'on a fait avec Sœur de Montréal, la réponse a été vraiment cool. Le monde, sont le fun après, avant le show, pendant le show, c'est vraiment un beau rapport qu'on a avec le public. Puis, genre, c'est nos chic fab, ses shows préférés, c'est. On vient de jouer à Tadoussac, on capotait bien raide des gens, là, ben, je sais pas, le contact avec la foule, là, le public, ça, c'est vraiment cool. On a reçu plein de brassières pendant qu'on chantait à Tadoussac, c'était vraiment cool. Wow. Ouais, j'ai lu ça sur Facebook, des brassières puis des strings, toute la quête. Ah oui, du string, t'avais oublié du string déjà, toi. Je prends ça pour acquis. Fait que, ben, c'est ça, c'est pas pour mettre de la pression aux gens de demain, là, à Trois-Rivières. Vous avez le droit de rester habillé, puis on prend ça normal. C'est correct. Alors, on invite tout le monde à aller vous voir demain à l'Embuscade et à acheter votre album qui va sortir en septembre. Oui, et on va se quitter sur une chanson qui est sur le vinyle que vous avez sorti il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est Shipwreck, c'est ça? Oui, exactement. Ben oui, puis il est en téléchargement gratuit, je pense, aussi sur notre site web. Oui, absolument. Pour vos petits iPods, là. Puis ben c'est ça. Puis même aussi, hein, si vous arrivez en retard pour le show, nous, on va sûrement rester prendre des shooters après. On est un peu de même. On prendra des shooters avec tout le monde qui est là. C'est 80 places. C'est rien 80 places. Fait que ça se fait une tournée de 80 shooters. Ouais, c'est ça. C'est pas super grand, l'Embuscade. Bon, ben parfait. Alors, ça va être assez intime. Oui! Alors, on va aller vous voir demain. Yeah! Ben, je vais vous lever la main. Vous lèverez la main parce que je sais pas c'est vous, Stéphanie, mais je sais pas c'est qui. Fait que vous lèverez la main. C'est parfait. Alors, on se quitte sur Shipwreck de Random Recipe. Bonne Saint-Jean! Vous aussi, bonne Saint-Jean. Bye. Merci, bye. Un shooter par sous-vêtement. Moi, je dis que ça devrait être la règle demain. My mind is like a shipwreck. My mind is like a incorrect. My mind is like a quick step to losing all of what was preset. My mind is like a shipwreck. My mind is like a incorrect. My mind is like a quick step to losing all of what was preset. And if it was up to me, I would learn my ABCs and cross C